reste pour qu'on te laisse. Les bruits qui se dérobent font que tu te stresses. C'est moi qui te reste. Faut pas se fouler la face. Les gens qui passent un jour sans moi. Thank you.